s'est réveillée un matin d'un bond, elle est sortie du lit. Elle l'a contemplé allongée encore dans les bras de Morphée. Déjà 420 jours qu'elle partage sa vie avec lui. Elle n'y avait pourtant jamais songé, mais c'est décidé. C'est décidé, elle va se marier. Ce matin, elle appellera ses parents, c'est normal pour un tel événement. Un SMS à Valérie, puis toujours sa meilleure amie. Pas loin d'un an de préparation pour ce moment plein d'émotions. La tension l'envahit déjà, mais c'est décidé. C'est décidé, elle va se marier. Va falloir qu'elle trouve un château comme celui de la Belle au Bois Dormant. C'est son tour de jouer à Cendrillon, elle a trouvé le prince charmant. Faudra aussi prendre un traiteur, choisir les faire-part, quelle horreur. Un orchestre pour pouvoir danser, mais c'est décidé. C'est décidé, elle va se marier. Elle aime pas trop ses beaux-parents, les belles-mères c'est jamais évident. Mais elle est prête au sacrifice, pourvu qu'elle lui prenne son seul fils. Faut préparer les fiançailles, sans oublier aucun détail. Les familles seront rassemblées, mais c'est décidé. C'est décidé, elle va se marier. Elle va pouvoir choisir sa robe, le costume de son fiancé, le coiffeur, le maquillage, les fleurs et tous les invités. À voir le jour j'y arriver, elle est déjà très excitée, elle y pense depuis qu'elle est née. À côté du lit, elle le regarde se réveiller. Son charmant, l'amour de sa vie, comment va-t-elle lui annoncer que c'est décidé, elle va se marier. C'est décidé, elle va se marier. C'est décidé, elle va se marier. C'est décidé, elle va se marier. C'est décidé, elle va se marier.